Virgil, ça paye plus. Ça mélange la vodka à la Red Bull. Ça tire, tire, ça parle plus. Ça revient avec le marché sous le cul. Ça tire, tire, ça paye plus. Ça mélange la vodka à la Red Bull. Ça tire, tire, ça parle plus. Ça revient avec le marché sous le cul. Ça tire, tire, ça paye plus. Ça mélange la vodka à la Red Bull. Ça tire, tire, ça parle plus. Ça revient avec le marché sous le cul. Je vous invite tous à Burger King. J'ai que 60 centimes par contre. Hein. T'as fait, voilà, le boss il est là. Demande lui 20 balles, l'autre fois que je lui demande, moi il prend un coup de sa branche, c'est du nez. Laisse tomber, moi il m'a pris un coup de tartine. Voilà. T'es frites ou pas? Voilà, je les dois. La famille, ça va ou quoi? Ça va. Tiens, tu le sens. Voilà, elle est parfaite, mais ta Mercedes et tout. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes, elles sont bonnes. Tu as mis du déodorant? Ah, t'as pas 20 euros, s'il te plaît, à nous prêter. C'est la dernière fois qu'on demande un charbon pour toi pendant minimum. 6 mois, j'ai dit 6 voilà, mois. Après, si tu veux me glisser d'autres billets, tu mets un bonus smile. Il y a beaucoup de cuir, frère Zébé. C'est le salon de, du nantisme ou quoi? Merci, la famille. Ouais. On va bien manger. Je voulais vous dire, ouais. Le premier qui tira, l'encul, c'est mort. C'est bon maintenant. Ouais, c'est excellent ça. Il n'y a plus d'Ara. Il n'y a plus d'Ara, c'est Sphinx maintenant. C'est Sphinx? L'encul, c'est mort maintenant. C'est quoi? C'est la mise à jour? C'était à les cités? C'est ouais. Partout, ils sont au courant? Sphinx. Hashtag, vas-y, Sphinx. On dit, voilà, on dit, Sphinx. Sphinx. Ouais, viens, tu viens manger avec nous. Viens. On le prend avec nous ou pas? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Avec qui tu veux, vous? Je t'en fais, viens là. Viens, viens. Arrête.